Mon mal vient de plus loin. À peine office d'Égée, sous les lois de l'hymen, je m'étais engagé. Mon repos, mon bonheur semblait être affermi. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étranger et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, d'un sang qu'elle poursuit, tourments inévitables. Par des vœux assidus, je crus les détourner. Je lui bâtis un temple et pris soin de l'orner. De victimes moi-même à toute heure entourées, je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée. D'un incurable amour, remèdes impuissants. En vain sur les autels, ma main brûlait l'encens. Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais Hippolyte. Et le voyant sans cesse, même au pied des autels que je faisais fumer, j'offrais tout à ce dieu que je n'osais nommer. Je l'évitais partout. Ô comble de misère, mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père. Contre moi-même enfin, j'osais me révolter. J'excitais mon courage à le persécuter. Pour bannir l'ennemi dont j'étais idolâtre, j'affectais les chagrins d'une injuste marâtre. Je pressais son exil, et mes cris éternels l'arrachèrent du sein et des bras paternels. Je respirais, Œnone, et depuis son absence, mes jours moins agités coulaient dans l'innocence. Soumis à mon époux, et cachant mes ennuis, de son fatal hymen, je cultivais les fruits. Vaine précaution, cruelle destinée. Par mon époux lui-même, à Trézène amené, j'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné. Ma blessure trop vive aussitôt a saigné. Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachées, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée. J'ai conçu pour mon crime une juste terreur. J'ai pris la vie en haine et ma flamme en horreur. Je voulais en mourant prendre soin de ma gloire et dérober au jour une flamme si noire. Je n'ai pu soutenir tes larmes, tes combats. Je t'ai tout avoué. Je ne m'en repens pas. Pourvu que de ma mort, respectant les approches, tu ne m'affliges plus par d'injustes reproches, et que tes vains secours cessent de rappeler un reste de chaleur tout prêt à s'exhaler.